J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas. À tous ceux qui ont été traumatisés par les cours d'histoire dans leur jeunesse, mais qui s'intéressent à l'actualité, qui se posent des questions, cette chronique est faite pour vous. Vous avez peut-être entendu parler, dans l'actualité récente, de cahiers de doléances mis à disposition de chaque citoyen dans les locaux des collectivités territoriales. Eh bien, cette expression de cahier de doléances est liée à l'histoire de notre pays. Elle remonte plus précisément à la Révolution française et à l'année 1789. En effet, en 1789, la France est une monarchie dirigée par le roi Louis XVI. Le royaume est confronté à une crise sociale et économique. Le peuple, appelé le tiers-état, a faim et vit dans des conditions très difficiles. La monarchie, quant à elle, connaît un déficit budgétaire majeur, c'est-à-dire que ses dépenses sont nettement supérieures à ses rentrées d'argent. Après avoir essayé plusieurs politiques budgétaires et avoir misé sur plusieurs ministres des Finances, Louis XVI décide de réunir les États généraux. Ce sont des assemblées réunissant les représentants des trois ordres du royaume, c'est-à-dire les trois groupes qui composent la société, appelée société d'ordre. Ces trois groupes sont le clergé, la noblesse, qui ne paye pas d'impôts et bénéficie de privilèges, et enfin le tiers-état. Ainsi, pour préparer cette réunion des états généraux, dont l'ouverture est prévue le 5 mai 1789, les représentants de chaque ordre organisent dans leur territoire dont ils dépendent la rédaction de cahiers de doléances. Les cahiers de doléances sont des cahiers qui consignent les vœux et les plaintes des Français et qui vont être apportés au roi lors de la réunion des états généraux. Chaque ordre va ainsi formuler ses propres revendications, des revendications souvent opposées. Le tiers-état souhaite la suppression des privilèges, alors que le clergé et la noblesse veulent conserver les leurs. Mais les revendications se rejoignent aussi parfois. Les trois ordres réclament la tenue plus régulière des états généraux, où ils réclament aussi la rédaction d'une constitution. En ce qui concerne la Lorraine, ce sont près de 60 députés qui se rendent à Versailles en 1789 pour communiquer leurs revendications. La noblesse est notamment représentée par le marquis de Boufflers, le comte de Ludres, l'abbé Grégoire, curé d'Ambert-Ménil, est présent pour le clergé. Pour le tiers-état, les avocats Claude-Ambroise Régnier et Pierre-Joseph Prunion, fils, ont exprimé leurs revendications à Versailles. Cet événement, l'ouverture des états généraux, est souvent considéré comme le point de départ de la Révolution française. Les députés vont s'opposer à la monarchie et à la société inégalitaire, puis ce sera au tour du peuple parisien, puis de celui des campagnes, de se révolter. La Révolution française va entraîner de nombreux changements à l'intérieur du Royaume de France. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. À bientôt !